Thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Attends. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Bonsoir à tous. Salut à tous, salut Alex et salut Fabrice. Oui, bonsoir, content de vous retrouver. Oui, nous aussi, content de te réaccueillir dans la programmation du Beau Bizarre. Elle ne sera pas trop prégnante pour cette émission. Pour cette émission-là, peut-être un petit peu moins, parce qu'il va surtout s'agir de musique électronique et planante. Alors c'est un petit peu ma marque de fabrique, je vais dire. Mais... Donc voilà, il y aura pas mal de morceaux que j'ai sélectionnés moi. Et on commencera tout d'abord par Tarwater, duo allemand formé par Bernd Gestram et Ronald Lipok. Le titre, c'est The Water Sample, tiré de leur troisième album studio Silure, qui est sorti en 98. A noter que justement, il y a un petit coffret de leurs cinq premiers albums qui vient d'être réédité. Ces cinq albums n'étaient plus disponibles et ça vient d'être réédité par leur label. Je vous en conseille d'ailleurs largement l'achat. Que dire sur Tarwater? Le label Musique Electropot. Oui, le label, je ne l'ai pas donné, c'est Gustav Records. Voilà. Curieux nom. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. Je ne suis pas allé voir ce que proposait comme autre référence ce label. Quoi. Je connais label, des disques de Tarwater. Voilà, ouais, c'est peut-être créé label justement pour ces rééditions-là. Donc c'est une musique qui navigue entre trip-hop, électropop, petits moments ambiantes. Voilà, c'est assez riche, très jolis arrangements en général, très très très musical. Et ben voilà, donc c'est parti pour The Water Sample. to even get a water sample. Here come the plane. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, but pay as you go. Oh Superman, un classique des classiques de Laurie Anderson, un morceau qui date de 1981, qui était sorti en single au tout début et puis qui avait connu en partie grâce à John Peel une certaine notoriété. Ouais, voilà, il était même rentré dans les charts, les charts américains. Et petite anecdote sur ce morceau, on peut entendre un moment, voici les avions, ce sont des avions américains, c'est une chanson qui a un petit parfum d'apocalypse aussi. Ça tombe bien. Ça tombait bien, encore plus le 19 septembre 2001, où elle avait un concert qui était programmé, et il se trouve que ça tombait quelques jours après le 11 septembre et le crash des avions sur le World Trade Center. Et du coup, cette performance qui a été enregistrée, qui a donné un disque, avait trouvé une résonance un peu particulière à l'époque. Et alors, on va enchaîner avec Wolfgang Voigt, retour à Cologne sur la fin des années 90, 1997 plus précisément. Pour un titre de l'incarnation de Wolfgang Voigt sous le nom de Gas, voilà, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre dans l'émission. Toujours une musique très mystérieuse, très vaporeuse, avec ce beat cardiaque qui vous suit pendant un petit peu plus de 10 minutes. Le titre est tiré du second album de Gas, c'était Zauberberg. Et voilà, on vous laisse un petit peu rentrer en communication avec The Sound from Köln. Thank you. television. I was on the veranda of a vast estate of palazzos of fantastic proportion. The mind revealing itself to itself. This was a vision. Biosphère et le morceau The Silent Orchestra sur l'album Man with a Movie Camera. Biosphère, c'est le nom d'enregistrement principal de Geir Jensen, un musicien norvégien dont l'univers musical est, comme vous avez pu le constater, assez proche de l'électro-ambiante. Là, c'est plutôt ambiante. Alors, on a peut-être avec Biosphère un des plus beaux exemples du déterminisme géographique sur la créativité des artistes, hein, puisque Jensen est né à Tromsø, une ville située dans le cercle arctique, et il semblerait quand même que les paysages et le climat si particulier de cette région du monde ont joué un rôle important, peut-être pas d'ailleurs consciemment, mais sûrement quand même dans la créativité de Biosphère. Alors on va enchaîner maintenant un retour à l'Allemagne, oui, avec Alexandre. Oui, nous repartons en Allemagne, on va se rapprocher à nouveau de l'écurie compacte de Cologne avec Jürgen Papp, producteur de Munich, lui, pour le titre Ausklang. Et cette version, sortie sur la compilation Pop Ambient 2009, est aussi un remix de Wolfgang Voigt et Rolf Berger. Une version du coup beaucoup plus aérienne, comme vous pouvez vous en douter vu les remixeurs, voilà, qui ont absolument gommé tout le beat du morceau original. Voilà, donc Jürgen Papp, Ausklang. Thank you. c'était Thomas P. Ekman, avec un titre tiré de l'album Raum, sorti chez Mille Plateaux. Je me rappelle plus du coup l'année, c'était 1999. Thomas Peckman qui a touché à peu près d'ailleurs à tous les styles d'électro, hein, que ça soit la trance, que ça soit finalement une sorte de proto body music, de l'ambiante comme c'était le cas ici. Et puis on va terminer cette émission toujours en Allemagne avec un des collaborateurs éminent du docteur Pélican du groupe H&S. Il s'agit de Frank Roventa. La musique de Frank Roventa se situerait quelque part entre un épisode de Derrick et une sorte de psychédélisme allemand très 60s, beaucoup de collages. Et justement là, c'est un album concept autour d'un téléfilm allemand qui s'appelle Heike, dont il a repris toute la bande son et qu'il va retraiter dans un univers un petit peu industriel, très agressif, et qui fleure bon les forêts bavaroises. On se retrouvera la semaine prochaine et on vous laisse faire de beaux cauchemars avec Frank Roventa. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Take the down. It's a different one. Ich sehe keine Zukunft.